Mélomanes, l'émission pour vous, les fous de la musique, sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ, ou peut-être en direct du CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 30 mars 2016. Un gros merci d'être fidèle au poste, comme toujours, même avec une émission aussi pointue que celle de la semaine passée. Vous avez suivi sans avoir froid aux yeux. Je pense qu'on commence à être fait pour s'entendre pas mal, chers auditeurs. Donc, effectivement, grand spécial Brésil la semaine dernière, où on a exploré la musique du pays sous presque toutes ses coutures, en plus de constater toute l'influence que cette musique-là a eue sur le pop au fil des années. Alors, je pense que vous vous en attendez un peu, vous commencez à connaître l'émission. Ce soir, on va contrebalancer tout ça avec un beau varié mélomane format classique, avec peut-être une petite tendance soft rock des années 70. On verra. Donc, j'en ai pas ben plus long à vous dire en début d'émission pour cette semaine. Je pense qu'on va tout de suite laisser la place à la musique pour qu'elle parle d'elle-même, parce que c'est pas mal pour ça qu'on est tous là ce soir. Mais je vous dirais quand même de porter une attention particulière aux intros des deux prochaines, des petites similitudes à gauche à droite, et c'est pour ça que ça s'enchaîne si bien. On passe ça avec une pièce qui a été reprise en 96 par Seal, mais nous on écoute évidemment la version originale 20 ans plus tôt pile, du Steve Miller Band au 99.1 CFNJ. Thank you.

99.1 et 88.9. Avec vous, partout dans la Naudière. We can change the world. We are ready. We are ready. The world. It's time. such a long time. Vous êtes toujours en plein mélomane, 99.1 et 88.9 CFNJ. Donc, deuxième partie du bloc 71, 72, 73. On vient d'entendre « Printemps » de Gilles Valiquette, un extrait de l'album « Deuxième arrêt » qui est pas mal celui qui a fait connaître, le plus connaître, M. Valiquette au grand public, parce que c'est sur cet album-là qu'on peut retrouver, entre autres, Je suis cool et La vie en rose. Donc, ça vous donne une idée. Très, très bon album, pas seulement pour les hits, vraiment bon album. C'était précédé d'une autre chanson qui donne le goût du printemps, qu'on attend impatiemment, Saturday in the Park, du groupe Chicago en 72. Gros succès que vous connaissiez sûrement. Et Chicago, le groupe qui suivait Chicago, la chanson de Graham Nash, celui de Crosby, Stills & Nash. D'ailleurs, il y a souvent des gens qui pensent que c'est une chanson de Crosby, Stills & Nash parce qu'ils l'ont souvent fait live avec et sans Neil Young. Mais ça vient originalement d'un album solo de Graham Nash qui a aussi été dans les Hollies, ce qui n'est pas à négliger du tout. Donc, Chicago en 71, une toune qui, en passant, a été samplée par bon nombre de rappeurs au fil des années, de par son beat accrocheur. Et sinon, on était en l'an de grâce 1976 pour l'entièreté de la première partie du bloc avec « You Stepped Into My Life » des Bee Gees, une chanson qui a été en partie enregistrée ici au Québec, au fameux studio The Moran Heights, le studio où une foule de gros noms enregistrés, dont Bowie, The Police, Cat Stevens, Rush, qui en ont fait pas mal leur studio maison pendant un certain temps. Et là, j'en passe, là, un grand studio mené par de main de maître par André Perry. André Perry, qui a maintenant fermé ses portes, malheureusement. Pas André Perry, mais le studio, évidemment. Et toujours en 76, George Thurston, alias Boule Noire, avec son premier gros hit, Aimes-tu la vie? Très funky, et dont l'intro est pas sans rappeler l'intro de celle qu'on a entendue juste avant, Fly Like an Eagle, du Steve Miller Band. Et nous, on y retourne tout de suite avec un pas de plus en territoire soft rock des années 70. Mais ironiquement, on commence ça à l'orée des années 80 avec quelqu'un qu'on a entendu dans notre spécial Brésil la semaine passée, Diane Tell, au 99.1 CFNJ. Ne te mets pas au hasard. Just stay right here.

blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. Ahead of her time. Oh, and she never gives out, and she never gives in. She just changes her mind. She is frequently kind, and she's suddenly cruel. But she can do as she pleases, she's nobody's fool. She can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me. À Méloman au 99.1 et 88.9 CFNJ-FM et ce, partout dans la Naudière. Un petit bloc de bon soft rock auquel on vient d'avoir droit et qui s'est terminé par la très belle She's Always a Woman de Billy Joel en 1977. Et il semblerait, imaginez-vous donc, que ce soit une version Muzak d'ascenseur là, de cette chanson-là qui est jouée en dernier dans le complexe du World Trade Center juste avant qu'il s'effondre le 11 septembre. Bref, assez morbide comme anecdote, mais quand même digne d'être mentionné, assez inusité, merci. Mais si on revient à nos moutons, on était en 77 pour les deux qui précédaient. Une un peu moins connue pour Beau Dommage, Rouler la nuit, chantée par Pierre Bertrand et Marie-Michel Desrosiers. Très belles harmonies vocales, surtout de Pierre Bertrand. Des fois, les harmonies vocales plus basses sont pas mal plus dures à apprendre qu'on pourrait le penser. Et le tout tiré de leur album Passager. Et l'autre de l'excellent groupe Steely Dan avec Josie, tiré d'un album tout aussi excellent, Asia, sur lequel on pouvait retrouver la crème des musiciens de l'époque comme Steve Gadd, Bernard Purdy à la batterie, Wayne Shorter au sax, qui a quand même joué avec Miles Davis, Timothy B. Schmidt, qu'on a entendu dans les Eagles, Michael McDonald, qu'on va entendre tantôt dans les Doobie Brothers. Et là, j'en passe parce qu'il y avait vraiment une longue liste. Disons que Steely Dan ont toujours su s'entourer. Et justement, on vient de parler de Timothy B. Schmidt. Et c'est lui qui nous chantait I Can't Tell You Why, bassiste au sein des Eagles en 79. Single de 1980 qui était précédé de Stevie Nicks, qui, elle, au sein de Fleetwood Mac, nous chantait Dreams, encore une fois, en 77. Donc, ni plus ni moins, un genre de soft rock 101, si vous voulez. Et le tout amorcé par Diane Tell en 82 avec le succès Souvent, Longtemps, Énormément. Et nous, on continue avec un petit bloc hommage, disons, par la bande à quelqu'un que vous aurez tôt fait d'identifier. On va écouter une rareté des Doors qui ont eu une vie, imaginez-vous, après Jim Morrison, assez peu connu. Mais tout d'abord, on écoute le groupe Christie au 99.1 CFNJ. Glass, I have a time has come. I'm going back.

De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit een deur die nog wijd open staat. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. De toog is van koper, toch ligt er geen loper. De voetbalclub hangt aan de muur. De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox. Een pilsje, dat is er niet duur. Een mens is daar mens, rijk of arm, het is daar warm. Geen monsieur of madame, maar wc. Maar het glas is gespoeld in het helderste water. Ja, het is daar een heel goed café. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. De wereldproblemen die zijn tussen twee glazen bier opgelost voor altijd. Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening of je staat in het krijt. Het enige wat je aan eten kunt krijgen, dat is daar een hardgekookt ei. De mensen die zijn daar gelukkig gewoon, ja, de mensen die zijn daar nog blij. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. Daar in dat kleine café aan de haven, avec vous partout dans la Nantière. Et sud de la Nautière, c'est de la pluie au cours des prochaines heures avec un minimum de 3. Jeudi, de la pluie, 20 mm, maximum 11. Et vendredi, pluie intermittente, maximum 12 degrés. Et plus au nord, Saint-Michel, les environs, pluie qui débute aussi cette nuit, minimum de 3. Jeudi, de la pluie, 20 mm, maximum de 10 degrés. Et toujours quelques averses vendredi, maximum 10 degrés. CFNJ 99A. C'était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. Il venait de n'importe où aller aux quatre vents. Mais dedans sa roulotte, nous étions 10 enfants. Et le soir, autour d'un feu de camp, on rêvait d'une maison blanche en chantant qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. c'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Il est long, il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. Mais il ne nous écoutait pas et dès le petit jour, la famille reprenait son voyage au long cours. À peine le temps pour notre mère de laver sa chemise et le voilà reparti pour une nouvelle terre promise. Et le soir, retour d'un peu de camp, elle rêvait d'une maison blanche en chantant qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. C'est ainsi que cahotant à travers les saisons, c'est ainsi que regardant par-dessus l'horizon, sans même s'en apercevoir, notre père nous a semés aux quatre coins du monde comme des grains de blé. Et quelque part au bout de l'univers roule encore la vieille roulotte de mon père. Il est long, il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller. Il est long, il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. Retour à Mélomane au 99.1 CFNJ où on entend en ce moment le ska des Skatalites, des fondateurs du genre en Jamaïque avec une pièce qui se nomme Fidel Castro. Mais pourquoi du ska? Eh bien, pour suivre en beauté, en bonne et due forme, le ska du chemin de papa de Joe Dassin en 1969. Joe Dassin, à qui on faisait un petit clin d'œil tout au long du bloc, vous l'aviez sans doute compris assez rapidement. On a entendu la version originale du Café des Trois Colombes, Dar in dat klein Café an der Haven, qui nous vient des Pays-Bas, composé et chanté par Vader Abraham en 1975. Grosse star, très connue là-bas. Et sinon, et oui, les Doors, post-Jim Morrison en 1972. Les Doors qui ont enregistré deux albums obscurs après la mort de leur leader, de leur chanteur. Peut-être musicalement, c'était pas tellement leader, avec The Mosquito, qui va devenir bien sûr le moustique de Joe Dassin. Et tout ça qui a commencé avec le groupe Christy et leur succès Yellow River de 1970, qui lui va devenir l'Amérique, bien entendu. Donc juste un petit clin d'œil comme ça qui nous a fait entendre quand même les versions originales qu'on entend beaucoup moins souvent. Des fois, on pense même que c'est Joe Dassin seulement qui les a chantées. Mais non, plusieurs reprises là-dedans, mais des très bonnes reprises quand même. Ça n'enlève rien à Joe Dassin. Et on poursuit tout de go avec un groupe québécois de joyeux illuminés, L'Infonie 1969, avec, attention, J'ai perdu 15 scènes dans le nez froid d'un ange bronzé. 99.1 CFNJ. Thank you. Thank you. bruit de ton pas. Et 88.9 CFNJ. Bye. Tracy never let me go. Tracy never let me go. Tracy never let me go. Tracy never. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. CFNJ 89.1 Et on vient d'avoir droit à un bloc entièrement consacré à l'année 1969, grande année, grand cru, en fait, à une chanson près, qui, elle, datait de 68. Donc, on ne s'ostinera pas pour un an. La plupart qui sont des pièces qui évoquent la saison estivale pour laquelle on se languit tous, mesdames et messieurs, à part peut-être les amateurs de ski de printemps. Mais bon, si on revient à nos moutons, encore une fois, on va se rendre compte qu'on a entendu Tracy du groupe de The Cufflinks, avec son petit passage en contrepoint, ses belles harmonies vocales, qui était précédé du groupe The Fifth Dimension, qu'on connaît souvent mieux pour leur Aquarius Let the Sunshine In. Mais là, c'est un autre de leurs succès qu'on a entendu, soit Wedding Bell Blues, toujours en 69. Et notre petite exception de 68, eh bien, c'était juste avant, avec Isabelle Aubray, chanteuse et gymnaste française qui nous a fait l'honneur du thème d'Alexandre le Bienheureux, un film magnifique avec Philippe Noiret, un classique que je vous conseille vivement. Et son thème, composé par Vladimir Kosma, qu'on a souvent entendu, mine de rien, à l'émission, la chanson s'appelait « Le ciel, la terre et l'eau », mais Vladimir Kosma, on l'a entendu avec le thème de la chèvre, le thème de Rabbi Jacob, etc., etc. Et sinon, toujours le goût de l'été qui s'est fait sentir avec les Ventures et leur reprise de Percy Faith, l'intemporel « Theme from a Summer Place », originalement de 1960, qui était précédé de Sly and the Family Stone et de leur Hot Fun in the Summertime, qui s'explique d'elle-même, et le tout amorcé par l'Infonie, qui fut certainement un des groupes les plus éclatés du Québec, presque toute époque confondue, un groupe qui a été fondé autour du quatuor du jazz libre de Québec, et du poète Walter Boudreau. Mais ça va pas rester seulement à jazz. Ils vont vite s'intéresser au monde du classique, dont la branche d'avant-garde sérielle. Et ils vont même reprendre In C de Terry Riley, pour ceux qui connaissent, une composition phare du genre du classique d'avant-garde que vous connaissez peut-être. Mais ça va aussi reprendre du Beatles, faire des happenings à gauche, à droite. Finalement, un peu l'équivalent de ce qui se passait au même moment à San Francisco. Et là, ils vont aussi faire la rencontre de Raoul Duguay. Bref, rien pour arranger les choses, mais tout de même, l'Infonie, un groupe important de l'underground québécois qu'on reconnaît peut-être pas à sa juste valeur, comme c'est souvent le cas. Et maintenant, on déplogue les guitares et on joue acoustique pour une bonne partie du prochain bloc qui s'amorce avec une chanson que certains d'entre vous ont peut-être entendue dans les années 90, version Ugly Kid Joe. Mais c'est l'original, évidemment, qu'on écoute ici. Harry Chapin, 99.1 CFNJ. A child arrived just the other day. He came to the world in the usual way. But there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away, and he was talking for I knew it, and as he grew, he'd say, I'm gonna be like you, Dad, you know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, Dad, I don't know when, but we'll get together then, you know we'll have a good time then. My son turned 10 just the other day. He said, thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Can you teach me to throw? I said, not today, I got a lot to do. He said, that's okay. And he walked away, but his smile never dimmed and said, I'm gonna be like him, yeah. You know I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon. the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, Dad, I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a good time then. Well, he came from college just the other day. So much like a man, I just had to say, son, I'm proud of you. Can you sit for a while? He shook his head and he said with a smile, what I'd really like, Dad, is to borrow the car keys. See you later, can I have them, please? And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. But we'll get together then, Dad. You know we'll have a good time then. I've long since retired, my son's moved away. I called him up just the other day. I said, I'd like to see you if you don't mind. He said, I'd love to, Dad, if I can find the time. You see, my new job's a hassle and the kids are the flu. But it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me he'd grown up just like me. My boy was just like me. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. But we'll get together then, Dad. We're gonna have a good time there. Feeling no pain. Sundown. you better take care if I find you've been creeping round my back stairs. Sundown, you better take care if I find you've been creeping round my back stairs. Sometimes I think it's a sin when I feel like I'm winning, when I'm losing again. CFNJ 99.1 et 88.9. Avec vous, partout dans la Naudière. Neil Young au 99.1 et 88.9 CFNJ, toujours en plein mélomane. Et oui, ce cher Neil Young avec une pièce quand même plus rare de son répertoire, Winter Long, qui était censé sortir en 73 et il a finalement fallu attendre jusqu'en 77 pour l'entendre sur la fameuse compilation Decade, double en CD, triple en vinyle, que je vous conseille vivement parce qu'elle contient justement plein de matériel inédit et excellent, comme ce qu'on vient d'entendre. Et Winter Long, qui en passant a aussi été reprise par les Pixies en 1990. Et sinon, le seul et unique Van Morrison qu'on a entendu juste avant avec Sweet Thing, un extrait de son excellent album Astral Weeks de 1968. Vraiment un album particulier avec des longues pièces. Sweet Thing étant pas mal la plus courte qui peut faire office de single, si on veut, mais un album qui se veut plus ambiant. En tout cas, je vous conseille vivement cet album-là. On a aussi entendu Gordon Lightfoot, folk singer ontarien avec définitivement un de ses plus gros succès, Sundown de 1974, qui a été reprise en français sous le titre L'amour, c'est comme l'été. Et encore le thème de l'été, que voulez-vous, je peux pas m'en empêcher. Et toujours en 1974, Harry Chapin avec Cats in the Cradle, un classique du folk rock américain qui, comme on disait tantôt, a aussi été un succès pour le groupe Ugly Kid Joe en 92. Et c'est déjà tout pour ce soir. Ben non. Je rigole, chers amis. On commence à peine et il y a plein de belles musiques à venir encore. D'ailleurs, il y en a peut-être qui dorment, mais je sais qu'il y en a d'autres parmi vous à qui on a donné la piqûre avec tout ce bon folk. Mais pourquoi pas un autre petit bloc dans le genre?

99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. Thank you. just a little of me. Qui me vit souffrir, grandir par les années. C'est dans un vieux taudis que 10 ans de ma vie, j'apprenais à mentir. Pourquoi vieillir? J'ai souvenir encore d'une vieille maison que l'on se partageait, chacun à sa façon. Un logement bien chauffé, on a si bien gelé. Les rats dans l'escalier prenaient leur déjeuner. J'ai souvenir encore de 4 jeunes garçons qui avaient grand plaisir à jouer les fanfarons. Les garçons de mon âge avaient pour voisinage Robineux, Duvigier, putain de la Saint-Laurent. J'ai peu de souvenirs d'une vieille maison que l'on dut démolir, rongée par les saisons. Adieu rue Sanguinette, adieu mon coin vitré. Mais ce soir je te laisse un peu de mes pensées. Sud de la Naudière, c'est de la pluie au cours des prochaines heures avec un minimum de 3. Jeudi, de la pluie, 20 mm, maximum 11. Et vendredi, pluie intermittente, maximum 12 degrés. Et plus au nord, Saint-Michel, les environs, pluie qui débute aussi cette nuit, minimum de 3. Jeudi, de la pluie, 20 mm, maximum de 10 degrés. Et toujours quelques averses vendredi, maximum 10 degrés. CFNJ. Et vous êtes toujours à Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ, partout dans la Naudière. Et on vient d'entendre une chanson intemporelle, une vraie 1966. Claude Dubois, au tout début de sa carrière, avec bien sûr « J'ai souvenir encore », qui venait terminer en beauté un beau bloc plus acoustique, plus intime qu'à l'habitude. Il manquait juste le feu de camp. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a aussi entendu nul autre que Steve Martin, le musicien, très bon joueur de banjo en passant, mais aussi l'acteur et humoriste que vous connaissez sans doute, que vous avez vu dans plusieurs films. On l'a entendu ici avec sa compagne de jeu, mais aussi de vie à ce moment-là, la chanteuse et actrice Bernadette Peters, avec la magnifique pièce « Tonight You Belong to Me », tirée du film « The Jerk » de 1979, et c'était précédé de Led Zepp, avec l'excellent « That's the way » tiré de leur album Led Zeppelin 3 de 1970. Un album en grosse partie acoustique, justement. Et sinon, J'ai 12 ans, une des très belles de Diane Dufresne, aux paroles assez prenantes. Merci, on était en 1979. Tout ça sur des paroles de Luc Plamondon, bien sûr, et une musique de Germain Gauthier, dont on avait déjà parlé brièvement à l'émission quand on avait fait jouer du Clair Lepage il n'y a pas si longtemps. Un gars qui a composé une foule de succès qu'on connaît au Québec et qui a écrit, entre autres, la musique originale de La Guerre des Tuques, par exemple. Mais sinon, vraiment beaucoup, beaucoup de succès radiophoniques. Mais la liste serait vraiment trop longue à vous énumérer. Et sinon, le tout amorcé par le maître Bob Dylan, Robert Zimmerman, de son vrai nom, avec un outtake de son excellent album Blood on the Tracks de 1975, soit la magnifique Shelter from the Storm. Et là, le prochain bloc, je vous avertis, va être assez spécial. Là, je vous préviens, on part pour un long voyage qui va nous mener, on verra où. Donc, je vous conseille de pas trop résister. Quand on résiste, on se fait mal. Laissez-vous guider par la musique seulement. Et on commence ça en plein pays du magicien d'Oz avec Sir Elton John au 99.1 CFNJ. Gonna come down. When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing. Cheval blanc, je t'emmènerai, défiant le soleil et l'immensité, dans des marais inconnus des dieux, loin de la ville, uniquement nous deux, et des milliers de chevaux sauvages. feront un cercle pour nous isoler. N'entends-tu pas toutes les guitares criant de joie dans la chaussée? Sur un cheval blanc, je t'emmènerai. Défiant le soleil et l'immensité, dans des marais inconnus des dieux. Pourtant, moi je sais que ce n'est qu'un rêve. Pourquoi faut-il que je ne sois qu'un rêve? Mais l'hymne à l'amour, je l'entends déjà. Moi j'entends déjà son alléluia. The chef, oh boy, the running man is out of death. Vehicle and home is getting hard to catch my breath. Back to ash, now you bet your flesh, boy. The rocks in time compress your blood to oil your flesh to coal and wrench the soil. Not everybody. Anyway, they say she comes on a pale horse, but I'm sure I hear a train. Oh boy, I don't even feel no pain. I guess I must be driving myself insane. Damn it all, 'cause I've got a hole in heaven. Our heaven plug a hole in us. How wonderful to be so found, when everything you are is dying underground. CFNJ. I got sunshine in my stomach, like I just rocked my baby to sleep. I got sunshine in my stomach, but I can't keep me from creeping sleep, sleep deep in the deep.

précédé d'un hommage inattendu et improbable, même pour moi, à l'album The Lamb Lies Down on Broadway de Genesis en 1974. Deux pièces du même groupe et du même album back-à-back, une première à l'émission. On a entendu In the Cage, gros classique, et Anyway, qui suivait merveilleusement bien La Légende du Cheval Blanc de Claude Léveillé en 1962. Parce que oui, tout ça, c'est de la faute à Claude Léveillé qui m'a inspiré ce bloc surréaliste. Et tout ça qui a commencé avec Goodbye Yellow Brick Road, bien sûr, d'Elton John en 73. Et on y retourne parce qu'il va falloir couper sinon, et ça, on veut pas ça. Écoutez, on a beau faire des incartards de mélomanes, faire rouler des yeux certaines gens, peut-être à l'occasion, mais il faut jamais perdre de vue qu'ici, au 99.1 CFNJ, à Mélomane, c'est d'abord et avant tout pour la musique. Dans l'univers, il donne tout pour la musique. 99.1 et 88.9 avec vous partout dans la Naudière. We'll be right back. Et de retour à Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ partout dans la Naudière. On vient d'entendre encore une fois une pièce aux inclinaisons prog-rock, sans être du rock progressif pur et dur, brotant Supertramp avec la pièce qui clôturait leur magnifique album Breakfast in America de 1979, Child of Vision, qui était précédé de Michael McDonald au sein des Doobie Brothers avec What a Fool Believes en 79 pour faire écho à notre soft rock de tantôt et tout ça qui suivait France Gall en 81 avec Tout pour la musique qui résume bien notre amour du quatrième art ici à Mélomanes. Et c'est déjà ce qui conclut notre émission, chers auditeurs et auditrices. J'espère que vous avez apprécié la sélection de ce soir. On est vraiment passé par toute la gamme des émotions ensemble. Et ça va être complètement autre chose la semaine prochaine. Vous le savez, soyez-y, je vous l'annonce en primeur. Ça va être un Radio Pirate, troisième du nom. Mélomanes, mercredi, dès 21h au 99.1 et 88.9 ou en direct du cfnj.net. Vous pouvez évidemment vous joindre au groupe Mélomanes sur Facebook. Plus on est fou, plus on rit. Et donc, je vous souhaite une excellente nuit et une excellente semaine. Et tant qu'à avoir pataugé dans le prog, je vous laisse avec le Alan Parsons Project, avec une musique inspirée des robots de l'écrivain Isaac Asimov, iRobot, 99.1 CFNJ. Bonne nuit à vous. We'll be right back.

fond d'un diamant. Plus je suis petit, plus c'est grand.